John Antoine No Corvedo. Les barriques dans la chaloupe, ténorisa le vieux capitaine Lecoz, orné d'un visage de parfait notaire, aux courts favoris blancs soignés, lunettés de bleu pâle et aussi peu marin que possible d'allures et de gestes. Et, malgré la chaleur, il emplâtra sa calvitie d'une mince calotte de velours épiscopal, extraite d'une poche de pantalon, puis se recoiffa d'un panama canaille de pêcheur de la grande jatte. « Ça paraît, capitaine !» Cinq mélodieuses basses de marin breton et un mezzo-soprano antillais. « Alors embarque et en route !» fit l'autocrate du trois-mâts Aglaé Bijou, qui déglingola le premier par l'échelle de corde, plus leste qu'un chimpanzé. Les matelots hissèrent l'informe brigantine et le foc pointu qui voilait la lourde et grosse embarcation trébuchante, encombrée de pièces à bordeaux vides. La quille glissa dans l'eau profondément bleue de la rade guavayenne. Les deux pilotins, le gallo Edme Helleux, venu des environs de Nantes, et le parisien Fernand Garret, fils du faubourg Poissonnière, aussi perdu, aussi étranger que le jour de leur arrivée à bord, en ce milieu suprêmement bretonnant, échangeaient des impressions avec le bon Mondésir Alénor, noir de la Martinique, leur seul semblable pour l'instant, affirmait-il. « On jurerait qu'on a joué aux boules avec les montagnes, » dit Garret. « Ce que c'est bousculé !» « Seulement, il y a une vraie mousse d'arbres dessus. » Et Helleux, le pays semblait plus accueillant à la Guadeloupe. Il soupira. « Nenguavaï, il y a aussi des petits coins bougrement wigolo, » interrompit Mondésir Anélor. « C'est sixième voyage que je fais par ici, et connais tout bagage, là. » « En attendant, » reprit Helleux, « c'est beau, c'est grand, mais ça écrase. » D'immenses mornes semblaient, en effet, menacer la rade de leur masse chaotique. Un rêche et lumineux velours vert de forêt montait jusqu'aux cimes. En bas, un reflet glauque vitreux miroitait entre les mangliers d'émeraudes plus sombres. Au second plan, des cocotiers jaillissaient en bouquets de feux d'artifice. Le long des pentes, dans la brousse, de rares et minuscules taches pâles de maison paraissaient des mouchetures d'écume sur de grosses vagues. Une petite ville blanche dormait au grand soleil, près d'une pointe empanachée et feuillue. Mais la chaloupe l'évitait, piquant droit sur l'embouchure d'une rivière sous bois, devinable à une faible barre de tulle pailletée. Dire qu'il y a dans cette excellente bourgade des gens qui se reposent de n'avoir rien fait hier, qui boivent frais sans songer à aller rouler des tonneaux sur les pierres des criques, fit lamentablement Garret. Qui pensent à un tas de choses agréables dans une ombre tiède qui embaume l'orange verte et la goyave, gémit Helleux. Oui, gronda Mondésir Anélor. Des gens vénards, des gros missiers qui ont de l'argent, des piastres, des dollars, qui louchent des yeux sur une belle petite fille et de l'autre sur la fumée d'un bon gros cigare bien fort. » Une manœuvre les sépara. La barre passée, la rivière apparut. Exquise coulée de cristal gemmée de mouvant béryl et qu'allumait çà et là, sous le clair tunnel de verdure, de voletants papillons de soleil. « Mouille !» fluta le capitaine. Une encre joujou troubla la pure joaillerie de la nappe translucide, où montèrent en tourbillonnant des nuages d'opale jaunie. Le père Lecosse venait de constater que la volumineuse chaloupe ne ferait pas grand chemin à contre-courant dans l'eau incroyablement basse pour la saison. Par bonheur, deux noirs qui pêchaient dans une longue barque à fond plat consentirent à traiter pour la location de cette yole et le transbordement des barriques commença. « Capitaine, insinua le gros parisien Fernand Garret, en ébouriffant une moustache rousse déjà très forte pour ses 22 ans. « Il faudra quelqu'un pour veiller sur la chaloupe. Vous n'allez pas la confier à ces deux bambous qui ne connaissent rien à son maniement. D'ailleurs, voyez, ces messieurs se trottent déjà pour aller se récurer le gosier. » Garret avait son plan. « Je vous vois venir, » répondit le capitaine qui détestait Garret et se débarrassait de lui aussi souvent que possible. « Vous vous offrez pour l'office de concierge de la Patache. » « Oh non, par exemple !» repartit Garret, qui suivait son idée. « Je veux me rincer l'œil de quelques paysages, aussi bien que les camarades. Laissez mon désir à Nellor. En voilà un qui a une indigestion de ce pays-ci, et auquel on ne la fait pas en matière de ressac, lame de fond et autres facéties embêtantes. » Le père Lecosse réfléchit une seconde. Se priver des services de son matelot le plus robuste et le plus adroit, il n'y fallait pas songer. D'un autre côté, la faction déplaisait à Garret, qui se morfondrait là des heures sans personne à tourmenter. Excellence là. Eh bien, vous avez eu tort de parler le premier, parce que c'est vous qui garderez le ponton. Et ça me dégoûte assez. Et puis, vous n'allez pas me semer là tout seul, comme ça. Je sens bien que je ne puis pas vous désorganiser votre équipe de vendangeurs. Mais pourtant, si je vous mets votre vieil omnibus au plein, si je le démolis, moi, sans savoir. » Aïe, c'était dangereux. Ce n'était pas d'un aide que l'animal avait besoin, mais bien d'un surveillant. Pourquoi pas cette loque d'Edme et le qui devait l'exécrer? Garret, certes, recherchait sa société, mais comme les temps recherchent les bœufs, et affecté devant le patron de le malmener, de le traiter en souffre-douleur. Fort comme un pouls et maladroit comme une vieille bonne, il serait tout simplement dans les jambes du monde. « All right, » reprit donc le bienveillant capitaine, « je vais vous faire un cadeau, moi. Tenez, prenez votre confrère, l'autre pilotin, j'en fais le sacrifice. » Seulement, ne le laissez toucher ni à la barre ni aux écoutes. Pour le reste, il vaut son pesant d'or. » Sur cette ironie, le père Lecosse se bourra les narines de tabac. Fumer lui semblait mauvais genre, loup de mer, marin de feuilleton. En revanche, il chiquait et prisait, parce que ça ne se voit pas. La grande yole des pêcheurs noirs, une fois parée, le capitaine passa à son bord, suivi du second, Kerbro, du précieux Mondésir, du Mousse Arpeno et des 5 pur sang armoricains, Goanvik, Perne, le Goazelec, Rosaven et Penkatz, susceptibles de goûter les grosses plaisanteries celtiques du skipper. Hein, la lui ai-je joué, celle-là, au vieux tabellion sort? Ricana Fernand Garret. On va nous ficher un peu la paix, et nous ne servirons pas pour aujourd'hui de tête de pipe à tous ces nanigous. Qu'ils aillent donc faire valser leur tonneau. Tu sais, je te remercie, fit-elle, tu t'es vraiment débrouillé. Mais regarde donc, si on ne dirait pas une pirogue bondée de sauvages. Il montrait avec ravissement l'embarcation qui portait le bonhomme Lecosse, ses barriques et ses vassaux. Les nanigous, noblement débraillés et hirsutes, les grands pareils à des ogres de baraque, les petits à des esquimaux démaillotés, nageaient à contre-temps et chantaient, faux pour s'encourager, un refrain rauque et râpeux, entrecoupé de cris aigus. Le vieux skipper, installé sur le banc d'arrière, comme un singe sur un orgue, pipait plus fort que les autres. Ruse, gaine, du, deux ouangs, oh les boys! imita très faiblement Garé. Quel type! Les Guavaïens vont s'imaginer que Vlacor vit, et les bouffeurs d'étoupes enflammées. Bien consolant de ne pas figurer dans la cargaison. L'aïeul disparaissait derrière un ondoiement de feuilles, à un tournant de la rivière. Les deux pilotins, maîtres de la chaloupe mouillée à 20 mètres de l'embouchure, en dehors, éprouvèrent une sensation de liberté, de bon débarras, parfaitement délicieuse, et s'étendirent à plein pont, regardant la pointe du mât décrire de lentes ellipses dans le bleu fluide du ciel. Mégaré se redressa bientôt, et, psalmodiant sur le ton flûté du père Lecause, « Il est bien défendu de se baigner près des estuaires et barres des fleuves et rivières fréquentées par les caïmans. Ces dangereux animaux s'agglomérant, de préférence, dans les parages où l'eau douce se mêle à l'eau salée. » Il se mit à se déshabiller avec prestesse, et le fit de même. Égaré reprit, « Pff, les caïmans d'ici, te rappelles-tu la petite saleté grise, grignotant de ses pattes trop courtes, qu'ils ont littéralement pêché l'autre jour, à bord du trois-mâts norvégien ? C'en était un. C'est drôle comme tous les dangereux animaux m'ont toujours semblé petits à côté de l'idée que je m'en faisais. Puis ils sont très rares dans le pays, ajouta elle pour se rassurer lui-même. Sans se concerter le moins du monde, les deux gardiens de la chaloupe avaient ficelé leurs sommaires vêtements en deux petits ballots qu'ils attachèrent sur leur tête à l'aide d'un fil carré mentonnière. Il faut toujours être paré pour les événements, dit simplement Garé, quand il s'aperçut que son camarade venait d'opérer exactement comme lui. Puis ils sautèrent par-dessus le bordage. Pendant quelques minutes, ils ne songèrent guère qu'à la joie de se détendre, de filer à longues brasses paresseuses dans l'eau profonde, dont la fraîcheur saphirine leur semblait rouler en eux. Puis ils se rapprochèrent de la plage et, d'un commun accord, prirent pied sur le sol guavaïen. « Un petit tour sera excellent pour nous, » déclara Garé en procédant à sa toilette. Un mince tricot bleu, un pantalon et une casquette de toile blanche en faisaient tous les frais. Et le, semblablement équipé, eut une moue un peu mélancolique. « Qu'est-ce qui te travaille ?» interrogea Fernand. « Pas chic, des explorateurs sans souliers. Bon, pour marcher sur de l'Utrecht, il n'y a pas de serpents venimeux. Et si nous rencontrons des princesses ? Ah, je l'aurais parié. Mais nous pourrions bien nous être mis le doigt dans l'œil quand nous nous fourrâmes ce doux espoir dans la tête, sournoisement, sans nous l'avouer l'un à l'autre, en une brousse pareillement innocente. Enfin, jouissons toujours de cette petite tournée sans anigousse visible. Ça nous rappellera la pointe à pitre, quand, avec l'inexpérience de marins amateurs à leur première escale, nous chassions un gibier identique. Allons-y donc, mon bonhomme. Mais préparons-nous à compter une mesure pour rien, comme disait le professeur de musique vocale de mon bahut. » En tout cas, délicieux le petit chemin, dépassé les mangliers de la grève. Tournant le dos à la rivière, les deux pilotins suivirent une étroite sente, basse de plafond d'après Garé, ombreuse et molle, tapissée d'herbes veloutées, où les frêles ramilles des phyllaos, les fleurs des tulipiers oranges et des lauriers incarnats leur frôlaient la tête au passage. Bien au-dessus d'eux, des lianes et des orchidées se balançaient souplement entre les branches, dans un jour d'or vert comme un peu liquide. Çà et là, dans de hautes clairières en dôme, où refiltrait la lumière bleue, pleuvaient des pétales d'invisibles calices de couleur tendre. Et la voûte reprenait plus mystérieuse. Puis, des deux côtés de l'allée encore couverte, des cannes à sucre à plumet mauve ondulèrent dans le soleil. Des cases frêles se montrèrent de loin entre des bouquets de palmistes, au milieu de champs de bananiers, aux grandes banderoles de satin vert luisant, effrangées à la brise, sur des mamelons hérissés d'acacias épineux, dans des îlots de fourrés sombres, étoilés de grandes corolles. « Tu sais, ça tombe un peu la plaine de Gennevilliers, » fit Garé après un long silence. « Mais ça semble bien âge d'or pour nos vagues projets. » « C'est rafraîchissant quand même, après le spardec de l'Agla et Bijou, et les paysages de Magalipoté, de Coaltar et de Filin. »« Oh, c'est trop fort! Un café, jeune et le, un vrai café !»« Ah, je comprends, la mer étouffe près. Là, regarde, nous contemplons l'abreuvoir des messieurs capitaines, qui se garderaient bien de l'indiquer à de vils pilotins, ni chair ni poisson, ni matelot ni cacique, déplacés partout. » C'est souvent de ce côté-ci que ce vieux cafard de Lecoz fait conduire son youyou quand il descend à terre. Et je me demandais pourquoi. Garé poussa Hélo du coude. Ah ah, aurions-nous eu le nez creux, mais creux comme une soute? Au bout de l'allée, un assez grand pavillon de bois, d'une construction très prétentieuse pour le pays, encadré de hauts bosquets de palmiers, de manguiers et de cachimans, ouvrait toute grande, unique peut-être dans l'île de Guavaï, sa porte vitrée, qui laissait admirer un comptoir de marbre griotte à fioritures, des tables blanches, des banquettes de moleskine rouge et d'innombrables rayons, ornés plus encore que chargés de bouteilles prismatiques. « Nous avons très chaud dans la bouche, » observa Garé. « Ça tombe à pic. »« Va-t-on nous laisser entrer nu-pieds? Ce n'est pas une mosquée, » s'inquiéta elle, encore provinciale, à mi-chemin des antipodes. « Nous dirons que nos deux larbins nous suivent avec nos croquenots, posés sur nos hautes formes, déguisés en plateau, et nos chaussettes à la boutonnière. »« Tu n'as pas oublié la caisse de l'association ?» Trois jaunes dans la doublure de ma casquette. Oh, alors? Alors, jouons un peu des quilles. Viens donc, empoter. » Une heure plus tard, les deux pilotins, humectés de nombreux grogs bien frais et pachaliquement vautrés sur la moleskine, causaient encore avec la jolie fille de pure race africaine qui servait de garçon de café. Des parfums vanillés, acides, poivrés, soufflaient des forêts et des clos fruitiers au travers des boiseries à claire-voie de la grande pièce animée du frisselis des innombrables feuilles voisines. La guavaïenne, Mademoiselle Azélia, une fleur au ton de corail piquée dans son chignon crépu, sa peau de satin noir à peine effleurée, ou frappait la lumière d'une fugitive mordorure, ses dents splendides, scintillantes, complaisamment exhibées, ses yeux de perles bises à reflets bleuâtres et de sombres lacs brillantes, fascinés par les moustaches de blé fauve et la physionomie bon enfant et gouailleusement importante du robuste Fernand Garé, disait, un peu énervé, dans son français des dimanches et fêtes. « Si n'est pas avoué, vous n'êtes pas des matilots. Vous êtes les 10 petits garçons du capitaine. Vous jouez au maouin. Si peu fils d'autocrate que nous n'avons même pas de reliure aux pieds. Papa vous élève à la dure. Un papa que nous voudrions voir au bout d'une bonne corde, avec un joli poids de 100 kilos aux chevilles, » interrompit elle. « Ah, je vois, je divine, poète aussi convenable et si anarchiste, vous êtes des petits pilotines. J'en ai connu des bien gentils. » Il passa un rayon noirement doré dans ses prunelles de nuit. Elle reprit. « Maintenant je vois bien, vous n'êtes pas frère. La figure, pas grande différence, mais tous les blancs se ressemblent un peu. Là-dessous, il y a autre chose. » Elle toucha très doucement une paupière de garret d'un index mince, si frêlement souple. « Là, c'est autrement allumé. C'est pas mes yeux qui vous ont regardé pitié. » « Autrement ou pareillement, je m'allume, » fit observer Fernand, que la demi-caresse avait impressionné. Il eut quelques gestes de mauvaise compagnie. La Gouavoyenne se fâcha pour la forme. « Laissez, missier, pas poli, ça !» Mais sa bouche cuivrée s'épanouit plus que jamais. Ses dents d'un émail laiteux se montrèrent plus franchement encore. Un mince liseré de gencives, d'un rose mauve, apparut au-dessus de ses éblouissantes blancheurs. L'expression de toute sa personne se fit acquiescente. Garret jugea que le moment était venu des fortes décisions et que la valeur des prétextes importait peu. Alléguant la chaleur, le chemin fait sur la plage et dans les bois, la poussière, du reste absente, il éprouva subitement un impérieux besoin de se rafraîchir la figure et les mains. « Puis-je vous demander de me conduire où je trouverai le nécessaire ?» Puis, clignant de l'œil du côté de Helle, « Vous n'avez pas de collègue pour lui tenir compagnie ? Il va s'ennuyer. Je suis long à faire mes ablutions. » Elle eut un petit rire d'intelligence et, se retournant vers Edme en balançant sa longue taille ondulante, « Je vais envoyer ma petite cousine. » Et elle le regarda drôlement. Edme en ressentit une gêne voluptueuse. Des minutes s'écoulèrent. Edme Helle se fit deux grogues, roula deux cigarettes et rien ne vint. Des femmes noires à tournure de servantes passaient de temps à autre près des bananiers, en chantant avec abandon leurs jupes claires traînantes. Les aigrettes des palmiers bruissaient les stipes vibrants. Les verdures blutaient une cendre de soleil. Les fleurs embaumaient jusqu'à enfiévrer. Puis Fernand reparut, seul. « Ah, mon pauvre vieux ! Mais rassure-toi, elle est partie maintenant chercher la jeune Almée qu'elle n'a pas trouvée tout à l'heure. Mais tu sais, matelot, Azélia, non, enfin, et pas... » Une porte s'ouvrit et une jeune fille du même type qu'Azélia, la cousine sans doute possible, dit presque timidement du seuil « On demande monsieur Helle. » La nouvelle apparut avait les cheveux enveloppés d'un madras bleu et orangé, portait de grands anneaux d'oreilles en or. Tout aussi coquettement vêtue que sa parente, elle cherchait visiblement moins à se européaniser, conservant en tout plus de caractère guavaïen. Sa robe à taille courte tombait droit comme la gaule des négresses des mornes. Sa voix paraissait à la fois plus jeune et plus voilée que celle d'Azélia. Edme la suivit par une pièce sombre, puis dans une allée de goaviers et de papayers inaperçus en venant, jusqu'à une proche maison blanche entourée de grands arbustes en fleurs. Il n'osait parler, embarrassé, presque honteux. La jeune fille aussi semblait contrainte, inquiète, aussi grave et taciturne que sa cousine était causeuse et rieuse. Enfin, il lui demanda son nom, à Amédine, et le silence se retomba. Helle regrettait presque sa venue, enfantinement désireux de se trouver loin, loin, en dépit d'il ne savait quelle attirance persistante. Quand sa conductrice, un verrou poussé, se révéla tout à coup une experte et véhémente diablesse noire, à la nudité ardente et fraîche, aux enlacements brisants. Quand il la regarda encore, prête à rejoindre son compagnon de misère et d'équipée, un grand sourire étincelant, une radieuse gaieté blanche illuminait le sombre visage de la belle fille, qui aussitôt redevint sérieuse, alarmée peut-être, ses lèvres charnues et bronzées, durement refermées sur les dents, tout le masque de nouveau immobile. Il éprouva comme un choc brutal dans la poitrine, sans comprendre ce qui se passait en lui. Qu'avait-il vu, perçu, deviné de si émotionnant et de si inexplicable? Il ne le sut qu'un instant après. Dans l'allée, Amédée ne lui faussa compagnie, et il retrouva Fernand assez évidemment gris, mais noble. Il se mit à son diapason par bonne camaraderie, mais sans trop perdre de sa lucidité. Au moment du départ, Azélia seule les accompagna jusqu'à la porte du café. Elle s'était montrée, à la fin de l'entrevue, moins parleuse et surtout moins gaie. Fernand même en avait conçu quelque satisfaction d'amour-propre. Il la consolait avec bonté. « On reviendrait, mon Dieu, on reviendrait !»« Des pilotins ne sont pas forcément des chiens à la tâche, crebleu !»« Le capitaine était une désolante vieille canaille, mais lui, Fernand Garé, était trucard et ficelle, ficelle et trucard, oui, mon ange tropical !» Pourtant, quand elle leur dit adieu, Azélia eut encore un de ses beaux, larges sourires. Alors, elle aperçut au bord de l'une des magnifiques canines d'ivoire nivéen et perlé une petite cassure angulaire d'où partait une presque imperceptible strie d'un orient non moins blanc, mais plus étrangement chatoyant. Cette mignonne tare, il l'avait déjà vue, dans une autre bouche, eût-il cru jusqu'à présent. La chaloupe, ils la retrouvèrent dévalisée. Quelques hommes de l'équipage d'un trois-mâts grec achevaient de boire le vin destiné aux matelots de corvée. Mais Helleu et Garé se sentaient devenus si bons, si fraternels, qu'ils trinquèrent avec les pillards. Puis un sommeil bien gagné les affala au fond de l'embarcation et leur fit oublier Guavaï, les parfums, les grogues et les dents blanches, la corvée d'eau et même le retour imminent du fâcheux Lecoz au faciès de notaire. Aussi ne furent-ils pas très surpris, après considération, de se réveiller la nuit suivante sur le pont de la Glaé Bijou, la tête assez lourde, et de sentir chacun à une cheville l'étroite caresse d'un anneau de forte barre de justice. « Flûte !» ronchonna Garé. « Je rêvais qu'un caïman me boulottait le pied. Un caïman aux dents striées !» grogna elle, tout brouillé de sommeil. Et ils ronflèrent encore sur les planches dures vaporisées de serins nocturnes sous le ciel de sombre velours bleu diamanté.